des hits, je prends mon temps. Appel à hit, poto, j'ai plus le temps. Et si je m'esquive, je ferai pas semblant. Je rappe le bas de la tour avec mes gars en attendant. Quand j'avais besoin, je sais pas où c'était, mais bon, pas grave, je peux parler pendant des mois. On a l'habitude de donner sans jamais recevoir, mais que le bon Dieu m'en soit témoin. C'est le côté hype qui peut te faire bouger sur 2-3 notes de la guitare, ça caroulait. C'est dans l'appart, nous qu'on a appris à rouler. Viens pas me faire la grimace, tu finis dépouillé. Yeah, yeah. Avec plus de temps, j'épongerai mes peines. Avec plus de temps, je triplerai la salle. Autant de raisons de l'EPG qui a de mort dans la ciné. Je renais d'enfant dans la saison. Et dis-toi, y'a qu'à ta mère que tu vas faire la prise du sommeil. On endort pas la nuit, on revient faire sauter le caisson. J'ai la patate, quand la moitié de Marseille elle est bien rabatte. Tactique mon ami si tu perds pas le cap. Quand ton crâne craque, comme un bleu je m'attraque. Sans arrêt je déconne, mais je te fais pas confiance si t'es la reine des connes. Avec le temps plus rien ne m'étonne. Pas grand chose à dire mais vous en faites des tonnes. Et ce soir je vais au casier, je vais les raser. Et dans la zone, sans la mon rasoir. Laissez-moi tout seul, dans le masé. J'suis un bandit, tu me vois que passer. Le soir ça fait des transacts, apporte du fort de transit. Que ça fait des 37, la journée sur un transat. Braque le game et prends le sac. Braque le game et prends le sac. Pour faire des hits, je prends mon temps. Appel à hit, photo, j'ai plus le temps. Et si je m'esquive, j'ferai pas semblant. J'rappe le bas de la tour avec mes gars en attendant. J'récupère la petite, t'inquiète pas, on va s'en aller. Je vais passer par la petite allée. Avant de percer, j'ai rappé pendant des années. Et quand j'étais pas bien, tu me disais t'inquiète, ça va aller. T'étais sous Bombonera, ça buguait à la Jonquera. Je me suis pris la chouma, elle m'a recalé, fait le houma. Femme beauté cabinetta, Black série, gros. Là je fais des tours en péri. Je suis avec ma veste, ça, le jet il va atterrir. Je suis Max dans les îles Canaries, le coup dans la portière. Là j'écoute du leader. Je rode seul dans les rues de Seisei. La bête dans la picoute, panthère tourbillon. Faut la vente à d'ouverture en papillon. Avec le temps, tu verras qui sont tes vrais amis. Quand tu seras dans la merde ou dans la Ferrari. Deviens mature, on évite les ennuis. Faut que tu penses à faire ta vie au lieu de traîner la nuit. Avec le temps t'apprends les codes. Tu calcules plus les folles. Pour la famille fais des love. Mélange les couleurs et t'auras du mauve. Pour faire des hits, je prends mon temps. Appel à hit, photo, j'ai plus le temps. Et si je m'esquive, je ferai pas semblant. Je rappe le bas de la tour avec mes gars en attendant. J'récupère la petite, t'inquiète pas, on va s'en aller. Y'a trop de bouchons, j'vais passer par la petite allée. Avant de percer, j'ai rappé pendant des années. Et quand j'étais pas bien, tu me disais t'inquiète, ça va aller. Elle va à la dure, nous repeint dur. J'allais pas la ceinture, j'ai déjà lavé les murs. Soldat intouchable, je suis dans le futur. Du 9 à fond vert, j'connais des pointures. J'ai fait mes chicots, mais j'suis toujours dans le ghetto. Marme 2 and 10 avec les poteaux. Autre micro, ma tête en photo. Mon café en bas de la tête, si je le bois très tôt. Je bois très tôt. Avec le temps, j'ai fait ma vie, très peu d'amis. Quand tu seras pas, ils te laisseront dans ta zermie. Sois pas distrait, fais de l'oseille, pense à coffrer. Mais tout le côté construit au bled ou investi. Frérot, on va tout niquer, on est des terres, on veut des mappés pas. Frérot, on va tout niquer cette année comme la dernière année pas. Deux derniers, je passe premier pas. Je parle comme un frère aîné pas. Ramène une prod que je les bouffe à au petit déjeuner pas. Frérot, j'ai tout niqué pour mes minots, pour les éduquer. La route est longue, faut pas bégayer. Donc je vois mes enfants réveillés. Je crois que j'ai une faille au cœur, putain. Je faisais le fou en cours, ouais, ouais. Les keufs ils fouillent au corps, tranquille. Ils trouvent que des feuilles encore, sa mère. Il me faut un petit bolide léger. Faut rien dire devant la police, TG. Faut rester poli, BG. Ou tu vas recevoir un colis piégé. Mon pote il se met des mini resto bar. Dans la street y'a des mini escobar. Salive plus après minuit, c'est trop tard. Tout sans survêt, c'est fini les costards. Y'a du sang sur ton smoking beige. C'est plus tes ennemis, c'est tes sauces qui te baisent. On a vu des zombies comme dans Walking Dead. Faut que je m'en sorte, y'a mes rocking get. Poursuite en Vespa ou en Elistar. C'est ma vie, c'est la vraie histoire. On joue avec le feu, comme si c'était la préhistoire. Mais les armes sont en fer, elles sont plus en bois. Eux ils voudraient qu'on taffe mais à plus d'emploi. Ils sont culottés, j'ai la rue au tête. Trop de cruauté, personne n'a cru en toi. Pour faire des hits, je prends mon temps. Appel à hit, photo, j'ai plus le temps. Et si je m'esquive, je ferai pas semblant. J'rappe le bas de la tour avec.